De l'entendre de mon côté là, je sais pas si ton côté on entend la réverb, mais il y a beaucoup trop de réverb. Je vais essayer sans la guitare là. Ok, juste la voix. Mais là, il y a moins de réverb. Là, il n'y a plus la dynamique, là, la réverb. No.

si bémol, c'est un circuit dans les dents. Thank you. you play, tu joues à la guitare aussi? C'est un peu difficile de jouer à la top box en même temps avec les vocodeurs. C'est surtout les réglages. Faut vachement faire gaffe avec les réglages. Généralement, on prend un harmoniseur, mais il faut vraiment maîtriser le truc en fait. Lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap. Ça doit mieux sonner hein, qu'avec une gratte là, parce qu'elle finit. Avec une gratte, franchement, il faut faire attention, quoi. Chez moi, c'est plutôt une toll box là, ça fait que tout passe au tuyau. Tandis que le vocodeur, enfin, j'ai l'impression que t'es directement. T'as ton micro là, mais tu vas directement sur le clavier quoi. Mmh. j'en ai marre de cet harmoniseur là. Je savais même pas si j'étais en si ou en si bémol quoi. On change. J'éteins la boucle hein, parce que là c'est tout le temps répétitif. Mais bon, c'est l'inconvénient avec Jam Taba. Mais bon, on n'a pas de problème de latence à côté. Start a new loop, my friend. However, it should be Dave, it should be Tom. No problem. I take my bass. We'll be right back. je viens de capter que t'es Henri. Thank you. We'll be right back. travaille pas mal avec la réverb et le délire. Super. Okay, on va partir sur le Rock Lover, c'est parti. Bon, là, t'es en quoi, là? T'es en quoi, là? Attends. Bon, il faut encore que je recherche les notes, là. Punaise. Thank you. je sais pas si je suis plugué deux fois, c'est pour ça que ça fait une sorte de Emma. Emma, télé. Emma. Il doit faire nuit chez toi en ce moment, hein. J'imagine. Il doit faire nuit chez toi en ce moment. Il doit faire nuit chez toi en ce moment, hein. J'imagine. Il doit faire nuit chez toi en ce moment. 1, 2, 3. Et voilà. Ouais. 1, 2, 3. Trop de reverb. 1, 2, 3. Et voilà. La reverb. 1, 2, 3. Un peu trop. Trop de reverb. Trop de reverb. Tu la reverb. 1, 2, 3. Un peu trop. C'est quoi ce merdier là? Qu'est-ce que c'est ce merdier? Ah, c'est quoi ce merdier? Un peu mieux là. Ok. Un peu mieux. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Ah, un peu mieux. Un peu mieux là. Ok. Un peu mieux. Ouais. Yes, first time I heard him with the guitars. He's usually play piano, but yes, he play so nice also with the guitar. Yes, he play so nice also with the guitar.